Yo, c'est l'abatteur sur les 3-8, c'est Abatteurisme sur Radio Grenouille. Session rétrospective, comme je fais ces derniers mois et les prochains, je crois. On va retourner dans les années 90, 95, 96, 97 en mode drum and bass. Beaucoup de morceaux de V-Records notamment. Et puis on commence par ce superbe remix signé Fotech, le morceau de Wissing with a Girl. Amateurisme. Oh,

Thank you. Yo, c'était l'amateur aux platines des 3-8, amateurisme sur Radio Grenouille. Une heure de mix, on était vraiment en territoire drum and bass, j'espère que vous avez aimé ça, ou que vous avez appris à l'aimer. C'était vraiment de la période en plus 95, 96, 97. Tous ces V-Records, ce label de Bristol, tourne Ronnie DJ Die, DJ Sev. Il y a eu du Fotech aussi pour commencer, et ce morceau plus jazzy aussi à la fin, Abstract Truth, Get Another Plan, remixé par Flytronix. Merci à Jill et à Papy dans ces nouveaux studios tout peints en noir, ça va être cool pour les vidéos, pour les photos, j'ai l'impression. Merci à eux pour cet accueil encore une fois. C'était l'amateur, on se retrouve dans un mois pour Amateurisme sur Radio Grenouille. Ciao.